t'es d'amertume moi-même. Je sais pas pourquoi je titube de la galère, on a l'habitude. Viens écouter ma plume, c'est une partie de moi que je résume. C'est ma thérapie, comme ma plume, j'assume le fait que je sois pas bien fait. Qu'en ce moment mes envies se résument à rien. Le fait que j'ai du mal à voir où je serai demain, 25 piges, franchement je suis sûr de rien. Pourquoi les gens et ce monde me dégoûtent? Pourquoi la vie est remplie de tant de doutes? Pourquoi la vie n'est pas faite que d'une seule route? Pourquoi je me pose autant de questions au lieu de m'en foutre? Peut-être parce que j'arrive pas à fermer les yeux sur ce qui se passe autour de moi. Peut-être parce que je prends trop sur moi. Peut-être parce qu'on m'a dit trop tôt qu'on peut compter que sur soi, et ce dans tous les cas, mais c'est pas le cas. Du coup quand j'essaie de me confier, ma voix se transforme en ce glas. Donc je prends en note ce que t'entends là, c'est mon psy à moi. C'est ma meilleure manière de me vider et de pas tout garder pour moi. Mais j'avoue je déconne, j'en garde trop pour un seul homme. Je me dis que la vie n'a rien de bonne, et dans ma tête c'est le vide qui résonne. C'est l'envie de rire qui me dégomme, c'est la solitude qui vient et prend forme. Cette solitude dont j'ai l'habitude, qui m'a rendu plus rude grâce à qui je fume, mais qui des fois me répugne. Celle que je cherche et qu'à la fois je refuse, celle que j'accuse naïvement d'ingratitude. Tant de contradictions, tant de problèmes, si peu de solutions, tant de haine, si peu de compassion. J'ai cru que l'humain était bon, en vrai c'est qu'un con. Les hommes combattant pour la paix sont une exception. Petit, j'ai cru beaucoup de choses, mais nos illusions s'en vont en même temps qu'arrivent nos addictions. Plus jeunes, on rêve de Stade de France avec un ballon, fini sur le canapé devant PES avec un pilon. On a tous des mauvais moments à passer, différentes façons de gérer, différentes façons d'être entamé. Mais si tu baisses pas les bras, ça finira par changer. La vie peut pas stagner, elle peut que se répéter. Je crois qu'on est voué à rencontrer des cons à perpétuité. Le malheur et le bonheur sont une continuité, mais même si le pire l'emporte sur le meilleur, y'a forcément des moments qu'il faut pas regretter. Je crois que même dans le pire y'a du bon à tirer, même si des fois le bonheur est bien caché. Faut continuer de chercher, de toute façon c'est trop facile de lâcher, trop de lâcheté dans la facilité. Pour le peu que j'ai ou que j'aurai, c'est moi que je pourrais remercier. Pour les erreurs que j'ai faites, y'a que moi que je peux blâmer. Je le sais, je suis pas seul, c'est vrai, mais devant la glace tu le sais, y'a pas le choix, faut assumer.